comment t'es jolie. Fais-moi planer, je suis mal, je cache mes larmes quand je suis seul en bolide. J'ai pas le profil type, j'ai pas la baraque à Tony. Attendez-moi, je suis alcoolique. Attendez-moi, j'ai bu trop de lit. Sur les nerfs, je me sens moins solide. J'fais de l'insomnie. J'suis posé dans l'appart, le cousin à la calache sous son lit. Fais gaffe pour rien, ça part à ta bolide. Ah oui, mon équipe, elle est solide. Comment ils nous font les tauliers. Tiens ta parole, c'est ta promis. Oh, oh, oh, reste poli. J't'ai vu grandir maintenant, tu sens, tu te prends pour Tony. T'as fait de moi, tu sors, tu te prends pour poli. Ne va pas loin dans ta folie. Où va le monde, c'est l'agonie. Sans trahison pour de la monie. Y'a des petits coquettes, le doigt sur la cachette. Si t'es chaud, fais tête. Y'a personne qui t'achète. Quand c'est bouillant, je suis l'Anli. Au quartier, on souffle, mais Henri. Ce soir, je bois, je suis Harling. Je vois trop la zermie. C'est ta famille, ton sang de la veine. Faut pas que tu le renies. On veut tous une Monica, grosse fesse, gros nips. Pour faire des sous, moi, faut que je pisse. Ouais, j'ai la fuck dans la colline. Tu connais, motherfuck, la police. J'ai assaisonné. Regarde, je m'en sors pas mal, j'ai rappé au lieu de voler. J'oublierai personne, c'est gravé, ouais, je me connais. Tu me reconnais. Accroche-toi, faut te cramponner. Trop se défendre, décramponner.